le bonheur. Qu'est-ce que c'est bon, le bonheur? Vous aimez bien le bonheur, vous? Ah, moi, je l'aime beaucoup, ce petit bonhomme de bonheur. Lui aussi, il m'aime bien. Il me montre toujours le bon chemin. On s'amuse toujours, lui et moi. On passe des heures à contempler des belles fleurs, à être bien couché, douillet dans notre canapé, à écouter de la musique pour nous redonner la frite. Mais il arrive que des fois, il en a marre de moi. Alors il part en courant très vite, et c'est là que je réalise qu'il a pris la fuite. Imaginez alors comment j'en deviens triste. Quand mon petit bonhomme de bonheur part, je ne fais que broyer du noir. Je ne vois plus aucun positif. Je m'ennuie et n'ai plus aucun objectif. Alors je cours super vite pour le rattraper, et quand je l'ai retrouvé, je le prends sous le bras pour le ramener. Pour ne plus me faire avoir, j'ai décidé un jour de comprendre ses comportements. On a discuté très longuement et il m'a transmis ce que je devais savoir. J'ai été choquée par ses déclarations. Je ne m'étais jamais posé de questions. De quoi a besoin notre petit bonhomme de bonheur pour être épanoui à votre avis? Il a besoin d'amour inconditionnel et de reconnaissance, pardi. Tout comme nous l'avons appris, chacun souffre d'amour à condition qui nous fait créer des protections. Notre petit bonhomme de bonheur en a lui aussi. Alors voilà ce qu'il m'a dit. Des fois tu sors du lit, tu tires la tronche. T'entends dehors la pluie, tu tires la tronche. Tes amis n'arrêtent pas de t'embêter, tu tires la tronche. Tu n'arrives pas à réaliser tes objectifs, tu tires la tronche. Vous avez d'autres exemples? Mon petit bonhomme de bonheur continua. Et moi dans tout ça? Tu m'as déjà oublié? Je me sens complètement rejetée. Il suffit d'un rien pour que tu me mettes de côté. Je me sentis un peu bête, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de faire la tête. Alors je lui demanda, que dois-je faire alors pour que tu restes toujours près de moi? Il me répondit avec des phrases si jolies. Il me dit, réveille-toi et souris, alors je serai là. Quand tu entends la pluie, écoute-la. Elle t'amènera une jolie mélodie, et alors je serai là. Quand tes amis n'arrêtent pas de t'embêter, ignore-les. Tu comprendras qu'ils ne veulent que rigoler, et alors je serai là. Quand tu n'arrives pas à réaliser tes objectifs, respire et recentre-toi. Tu réessayeras demain et tout ira bien, et alors je serai là. Je serai toujours là si tu me nourris en pensant à moi. Je suis là dans chaque situation, dans chaque complication, pense à moi et ta perception changera. Si vous voulez vivre en harmonie avec votre petit bonhomme de bonheur, choisissez toujours la perception la meilleure. Dehors, il y a toujours de belles choses à regarder, des paysages à admirer, des fleurs à contempler. La nature nous offre tout ce dont nous avons besoin pour nous remettre sur le bon chemin. Nous avons tous le choix d'être heureux ou malheureux. Nous avons tous le choix de réaliser nos rêves ou pas. Nous sommes les créateurs de notre vie. Nous seuls avons ce pouvoir de décider comment la vivre. Et si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à le demander à votre fidèle compagnon.